Niko na lamkia kila nduku na kila dada mjini Yesu Kristo. Je salue chaque frère, chaque sœur dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons également les frères et les sœurs qui nous suivent à partir de l'Internet. Et aussi, c'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous saluons. Je ne sais pas si nous avons la joie. Il est bon d'être dans la joie dans la maison des dieux. Si vous êtes un enfant de Dieu, il n'y a nulle part ailleurs que vous pouvez avoir la joie. Sans tarder, levons-nous pour la lecture de la parole. Nous allons ouvrir nos Bibles. Josué chapitre 20. Yoshua, combien d'ambiles? Josué chapitre 20. Yoshua, combien d'ambiles? Tu connais un verset à quoi? Ça ne fait pas qu'un verset à Kenda. Dans son verset 1 jusqu'à. Bible qu'on a semé jusqu'au verset 9. Jusqu'au verset 9. L'Éternel parla à Josué et dit: Wamilele akamwambia Yoshua na kusema: Parle aux enfants d'Israël et dit: Wambie batoto wa Israeli useme: Établissez-vous comme je l'ai ordonné par Moïse, paka vile niruhusu kupitia Musa mpate kujiwekea, des villes de refuge, mamiji ya makimbilio, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Mule ulariwa pasipo ekutaka nezukimbilia. Sans intention. Bila nia. Elles vous serviront de refuge contre les vengeurs du sang. Ile mamiji temisaidia soa uficho juu abali mapenda kulipisha damu. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes. Mumoja ulariwa atakimbilia mumoja ile mamiji. S'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville. Na tenda kushimaya paka pamulango wa muji. Et exposera son cas aux anciens de cette ville. Na atenda kusema mambo yake kwaze wa ile muji. Et les requerront auprès d'eux dans la ville. Na watampokea atenda kupeleka kwabu muji. Et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Na watampatia makao kusudi apate kukala nabo. Si les vengeurs du sang les poursuit. Kama bale bakulipisha damu na mfuata. Ils ne les livreront point les meurtriers entre ses mains. Car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain. Et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé. Na atabakia mule muji kufika na pale watampelea kisambu mbele ya watu. Jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, voilà. Alors en fonction. Voilà, kufika na kufwa kwa ule mkuani mkuu. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville. Na mwili wakati njo ulariwana katarudia muji yake. Et dans sa maison. Na mnyumba yake. Dans la ville d'où il s'était enfui. Mumuji mula likimbiaka. Niko naomba. Je vais prier. Mungu Baba, tunakupikia asante. Dieu notre Père, nous te disons merci. Dieu a kutupatia tena hii siku ya leo. De nous avoir accordé encore la journée d'aujourd'hui. Dieu a kuongoza banduku na badada hapa. D'avoir conduit les pas de frères et sœurs en ces lieux. Banakuya pa hii fuashi na souci tu moya. Ils sont venus en ces lieux avec l'unique souci. Dieu a kukushikia we Mungu. C'est pour t'écouter toi Dieu. Dieu a kubarikiwa na weye. Pour être béni par toi. Dieu a kufarijiwa na weye. Pour être consolé par toi. Tuko na kualika we ushuke. Alors nous t'invitons que tu puisses descendre. Parce que mufariji wa bia kweli ni weye. Parce que le vrai consolateur c'est toi. Kuko mtu moya anaweza kuletea bantu salama ni paka weye. Il n'y a que toi qui peux donner la paix. Ule anaweza kutunza magonjwa ya mwili na ya nafsi ni paka weye. Tu peux guérir toutes nos maladies, c'est seulement toi. Seigneur ushuke. Alors descends, bwana. Na upate sengi kutusaidia. Aide-nous. Nous venons de lire ta parole. Tout homme qui a fait les études, il peut lire. Alors nous invitons ton esprit de descendre afin de nous révéler ta volonté. Nous t'abandonnons la conduite de toutes choses entre tes mains. Tiens de te souvenir de cette assemblée. Et souviens-toi de notre pasteur. Ta grâce soit avec nous. Nous devons jusqu'à la fin que tu t'obéis pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen. Nous poursuivons encore sur ce sujet, moitié que son gourtoki. Parce que quand on est sous pression, ça va aussi quelqu'un est sous pression. Il ne peut pas pleurer à Dieu. C'est ce que nous étions en train de dire depuis hier. Que l'état dans lequel le monde se retrouve aujourd'hui, parce que tout le monde sur cette terre, comme ils sont sous la conduite du diable, ce sont des gens qui sont agités. Il n'y a que peu de gens. Un petit groupe de gens qui sont en paix, c'est seulement les enfants de Dieu. Tel que ça a été dans l'Ancien Testament. Après avoir placé des cités, des villes, et Dieu leur avait recommandé des cités de refuge. Tout lorsqu'il commet un acte involontairement, parce que moi, gano la kale, dans l'Ancien Testament, il y a kama una wana, c'était si vous tuez quelqu'un, na we wana pasha kukua, certainement on doit te tuer aussi. Ukitobola muntu macho, c'était si vous crevez l'œil de quelqu'un, na we wana kutobola, on doit te crever aussi. Ukikata muntu mukono, si vous coupez, vous décapitez quelqu'un, na we wana kukata, on voit aussi vous décapiter. Maintenant, Mungu aliona ya kusema, et Dieu avait vu que ile mambo kwa bantu bengine wanaweza kuifanya, il y a les autres qui peuvent commettre ces actes pasipo boku, pasipo kuye kupenda kufanya hayo accidentellement. Dieu avait prévu ma mija makimbilio. Que lorsque vous commettez l'acte, akimbie mbio sana, vous devez courir na nguvu yake yote, votre force, jubanduku ya ule ya na uwa, parce que le frère de la victime bashi mubambe munjia, ne puisse pas vous arrêter en cours de route. Jubaki mubambe munjia, parce que si on vous arrêtait à mi-chemin, on va se venger de son sang. Na muntu juu ya kuokola bujima yake, l'homme pour sauver sa vie, asikukwe na fanya miza kama anafanya kitu kibaya. Il ne blague pas lorsqu'il commet l'erreur. Kama anafanya kitu kibaya mwanzo testama, une mauvaise chose dans l'Ancien Testament, sa vile bado kwa anajua kusema ni lufu, comme il savait déjà que ça c'est la mort, mais anajua kusema sema kwa fashi mami ukimbiria, il savait que j'ai quelque part où je peux aller me réfugier. Alikuwa anaacha mashamba, ces derniers il a abandonné, alikuwa anaacha bukweri, il a abandonné les maya, alikuwa anaacha batoto, il a abandonné tout, parce que alikuwa anajua ya kusema, il savait que kama anafanya miza, si je blaguais anakufa, on va me tuer. C'est la vérité, nous kweli. Et ça, c'était comme ça dans l'Ancien Testament. Avant de continuer, écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit ceci. Mou laissez échapper la pression. Le 9-6-1962. Frère Branham dit ceci. Je suis content aujourd'hui. Léo Nunafura. De ce qu'il y a un lieu de refuge. Wakuyua kwamba kuko muja makimbilio. Ou devant toute cette agitation. Mbele ya imangai koyote. Et se remis ménage. Ma fujo yote. Nous pouvons laisser échapper la pression. Lezi kuacha kusonga kutoke. Y entrer. Na kuingia mule. Nous débarrasser de tout cela. Les gens ont peur des bombes atomiques. Ils ont peur des retombées radioactives. Lorsque je m'approchais dans votre ville ici, wakati nanza karibia mwimujienu, ici dans cet état, mwijimbo, il y a des très grands écriteaux. Huko makrito mkubwa. Attention aux retombées radioactives. Beni yambia sema keba ange na ile ma radioactive. Tout le monde a peur. Batu bote beona boka. Tout le monde. Batu bote. Même aujourd'hui. Ata leo. C'est tout le monde qui ont peur. Ni batu bote beko na ile boka. Il cherche à creuser sous terre. Beona tafuta kuchimba kumbulongo. Pour y échapper. Juu ya kuyimbia. Vous savez, unajua, le plus bas qu'il vous faut descendre, fasi ya chini kabisa mnu mwapasha kushuka, c'est juste à genoux. Ni kumagoti. Vous serez alors sûr. Ni kule kumagoti jo utakuwa na hakikisho basi. Si seulement vous descendez jusque là. Kama unashuka kufika pale. Vous n'avez pas à être une topée. Alors, agenouillez-vous simplement. Oui, twanga tumagoti. C'est tout aussi loin qu'il vous faut aller. Jo fazi ambari pale unaweza kwenda. Frère Branham eko nasema dunia leo iko mu mangaiko. Aujourd'hui, le monde est dans l'agitation. Kama unaenda kwa pays bale benye kuya un peu développé. Vous allez dans des pays développés. Utakuta ba dirigeant bale bakubwa. Vous allez trouver les dirigeants, leurs présidents. Beko na chimbula ta mu 60 mètres. Ils sont en train de creuser le cave. 80 mètres. Ouais, 80 mètres, 60 mètres. Tu as pas na kuyenga ma bunker yabo kule. Allez créer leur bunker face à eux. Bile beko na kimbia ni nini? Et ils sont en train de fuir quoi? C'est parce que beko naona kusema pa dunia hapa pana kuya hatari. Sur la terre, il y a les dangers. Maintenant beko na wajia kusema. Et ils pensent que mukushuka chini sana bulongo juu ya kufichama. Dans le cave pour se cacher. Wanaweza kukimbia makari ya enfer. Fuir la colère. Mes frères Branham, on a l'état conseil à Nassema. Mais les frères Branham nous conseillent. Shiba Christ, vous n'avez pas la foi, Shimoa, pas pour Fichamia. Les chrétiens, nous avons l'unique refuge. Quand vous êtes en barisana. C'est très loin. Vous voulez imagitation, yote, y'a pas d'unia. Agitation des saints. Aïweze Koutoubamba. Ne peut pas nous attendre. C'est à genoux. Mungo bote umbari. Que Dieu bénisse. Nikusema kama mtu frère. Cela veut dire que si un homme tout dans la prière. Dans quartier kumaombi. Ni mtu anekalaka mukuishi mukalme. C'est un homme qui vit dans la tranquillité. Asikalaka trop agité. Il n'est pas angaika. Fuachi moi kule chez tunapata kukimbilia. L'endroit où nous pouvons aller. Aina kutafuta kufichama. Ce n'est pas chercher à aller nous cacher. Aina kwanza kujiuliza na hii mavita kunafanyika kwa eneo ria kama vita inaeclaté entre Israel entre États-Unis na Russie entre États-Unis dunia yote inaeclaté si tutafanya nini ba Kristo fasi yabo ni kumagoti c'est à genoux parce que banajua kusema mumbingu muko Mungu ule anakalaka mkushanje mawakati na mambo ile naweza kuya circonstances. C'est la vérité. Kweli. Mumbingu muko Mungu frère. Au ciel, il y a Dieu. Maintenant beko na kimbia tsuter. Maintenant ils sont en train de fuir chini ya bulongo. Frère Branham na continue anasema. Frère Branham continue en disant. Bon, basi. Anasema. Cet homme qui vient droit. Anasema bon, mais cet homme qui vient. Umuto na kuja. Doit premièrement être disposé à accepter le refuge. Kwanza na pashkwa tayari kuchika uficho. Et s'il ne s'intéresse pas au refuge, na kama ya shishutuke ile uficho, il n'y a pas de place pour lui. Nikusema hakuna fashi juu yake. Mais s'il est disposé à accepter le refuge, lakini kama iko tayari kuchika ile uficho, alors il y a une place qui a été pourvue pour lui. Sasa ni kusema kukufazi mwa litayarishwa juu yake. Et c'est pareil aujourd'hui. Na jovi leo, si vous êtes malade, kama uko mgonjwa, et que le médecin dit, na munganga anasema, vous allez mourir. Utakufa. Vous allez mourir. Utafariki. Et alors? Na sasa. Si vous ne croyez pas dans la guérison divine. Sasa kama wewe hauamini matunzo ya kimungu. Eh bien. Mzuri. Alors, je ne connais pas de place où aller pour vous. Mina mishiwe fazi ya ule mungu taenda. Mais si vous croyez. Mais lakini kama munaamini. Qu'il y a une fontaine ouverte. Ya kusema kuku chemchemu yenye kwa. Si vous croyez qu'il y a une place. Kama unaamini ya kusema kuku fazi. Je peux alors vous indiquer. Les basi kushontea. Les lieux de refuge. Fazi ya kufuchamia. Une maison de refuge. Nyumba moya ya uficho. Aucun homme ne veut pas mourir. Personne. Vous voulez vivre. Et il y a un lieu de refuge pour vous. Dieu a pourvu un lieu pour vous. Un lieu de refuge. Où vous pouvez vous débarrasser de tous vos soucis. Vous débarrasser de la tension. Et être en sécurité. Comment on a quelqu'un court, il a un problème. Frère Branham dit, avait prévu quelque part où c'est. Mais c'est lui qui a commis l'acte. Premièrement, il doit accepter d'abord la voie. Il doit croire. Parce que s'il ne croit pas, il n'y a pas moyen de l'aider. Mungu apate kumbariki. Que Dieu bénisse. C'est la vérité. Lorsque tu as Dieu à makimbilio. Comment on a si vous regardez dans le monde, un homme qui cherche le refuge, c'est celui-là qui se retrouve en danger. Que Dieu bénisse. Tout homme, wakichwa tusawa. Pays dunia. Société. Comme on a constaté à kusema vie yake comme danger. Parce qu'il constate que sa vie est en danger comme atari. Anatafuta nafasi ya kufichama. Il cherche quelque part où se cacher. Comme on en a muntu. Lorsque vous voyez un homme. Vie yake comme danger. Sa vie est en danger. Mais ajitafute kwa yeye kufichama. Il ne sait pas chercher. Ni kusema soit ni wa majimu. Soit c'est un fou. Ah, ni mutu arisha kufwa. C'est un cadavre. Ni pa kategoria bale baina ile namna. C'est deux personnes. Mama iti yenye kuya kuma morgue. Les corps qui sont à la morgue. Na benda majimu. Et de fou. Njo hata kama kuna kuya danger. Pour eux, même si les dangers venaient, abashitukaki. Ils ne s'inquiètent pas. Mungu apate kumbariki. Que Dieu bénisse. Angari hata umumotu Congo. Regardez même si chez nous au Congo. Souva mouva politicien. Mara mingi mufanya siasa. Politicien fulani alienda mu exil. À un moment donné, vous allez apprendre qu'un politicien s'est exilé, alienda muji mu. Mule muma exil kule banendaka. Quand il part s'exiler. Il kusema anaangalia mu Congo. Il a regardé que dans son pays. Alors kama mimi naendelea kuishi. Il a trouvé que si je continue à vivre dans ce pays, on va me tuer. Est-ce que toi pas moi? On est ensemble. Mais nakama anaona kusema vie yake ko menacée. Il trouve que sa vie est menacée. Ah, il va chercher quelque part où il est sûr. Lorsqu'il va partir là-bas, il sera protégé. Et tous ces gens qui cherchent à le tuer dans le Congo, ils n'auront pas l'accès d'aller le tuer dans l'autre pays. Pourquoi vous voyez les politiciens? Il va examiner. Si je quitte le Congo et m'exiler en Zambie, en Zambie, on ne va pas me sécuriser. Si je pars au Zimbabwe, là, en Zimbabwe, on peut pas m'excuser. Où est-ce que je peux aller? En Afrique du Sud. Ouais, les gens ils ont des relations en Afrique du Sud. Je vais chercher quel pays. Je parle d'abord en Europe. Les autres demandent l'asile en France, aux États-Unis. Parce que ce sont des pays puissants. Ils ont la puissance plus que la RDC. Parce que s'ils demandent l'exil dans ce pays, certainement on va lui protéger. Voilà pourquoi il demande l'exil. Un homme normal voit que sa vie est menacée. Sa vie est menacée. Il trouve l'exil. Et nous les chrétiens, nous avons un endroit très sûr. C'est seulement en Jésus Christ. C'est la vérité. Que Dieu bénisse. Facile et sécurité. L'endroit où nous sommes en sécurité. C'est seulement en Jésus Christ. Pas qu'à tout dans Jésus. Parce que comme un monde en engiant dans Jésus Christ. Parce que lorsque un homme entre en Jésus Christ, on a pas de foi si à kufichama. Il trouve un lieu de refuge. Mangaiko yote ya dunia hii. La souffrance de ce monde. Ma agitation. Les agitations de ce monde. Roku pika pika. Les agitations. Oh, nashie. Oh, nous aussi. Nashie. Nous aussi. Roi kuna nyuma sana. J'ai très mal au cœur. Roi kuna nyangaika sana. Je suis vraiment agité. Kama unapata fwasha. Lorsque vous trouvez un endroit de refuge. Ni kusema, ile yote araka. L'urgence que vous aviez. Parce qu'on te poursuivait pour te tuer. Ça va s'arrêter par là. C'est la vérité. Nous quoi? Psaume chapitre 46. Zaburi ma kumine na site. Bible on a sema. La Bible dit ceci. Psaume. Zaburi. Chapitre 46. Ma kumine na site. Bible on a sema et mon verset à 2 et 3. Dans son verset 2 et 3, la Bible dit ceci. Bible on a sema. Dès jusqu'à 8, je pense. Psaume chapitre 46, verset 2 à 8. Dieu pour nous est refuge et un appui. Kwetu chie Mungu ni uficho na tegemeo. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Na musada ile ikosake kamu wakati ya magumu. Dieu Mungu est pour nous un refuge. Kwetu chie ni uficho et un appui na tegemeo. Mungu apate mbariki. Kijua benisi. Awitike nijua usome. Tu n'accepte pas, c'est pas si tu ne lis pas. Mutoto wa Mungu abia kweri. Un enfant de Dieu. Anajua kusema pai dunia. C'est que sur cette terre. Kama ina Mungu. Ni tete Dieu. Kama yashinako. Je ne pouvais pas être là. Kama niko naishi paka leo. Aujourd'hui je vis encore. Kama unafanya inventaire. Si tu fais l'inventaire ya maisha yako toute ta vie. Kufika paka na leo. Jusque aujourd'hui. Kama uone kintu. Si tu ne vois rien. Niko sema una mtoto wa Mungu. Cela veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Kuko bandu rizalika na. Il y a des hommes avec qui vous êtes nés. Malari moya moya ile la même maladie. Vous êtes tombé tous en malade et ils sont décédés. Pengine mulikuwa na bota moto. Peut-être vous étiez dans les véhicules. Vous avez fait l'accident ensemble et ils sont décédés, mais toi tu es encore en vie. Il y a beaucoup de choses dans ta vie. Tu découvriras que c'est Dieu notre refuge. Dieu est notre protection. C'est pourquoi l'homme de Dieu dit un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il a ikosaki kama wakati ya mambo. Même si vous êtes dans la détresse, même si vous avez des problèmes, si réellement tu es chrétien, tu ne peux pas être balotant. Ce n'est pas le problème qui va te faire sortir dans la foi. Non. Ce n'est pas le problème qui va affaiblir ta foi. Non, mon frère. Non, ma soeur. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Et toi-même, tu t'étonnes. C'est pourquoi moi, je suis toujours peureux. C'est parce que vous n'avez pas de refuge. Tu es encore à l'air libre. C'est la vérité. Nous sommes sans crainte car la terre est bouleversée. Wakati dunia mukumambo shatuna na boka. Quand les montagnes chancellent au cœur de la mer. Mamilima atingize opemili ya bari. Quand les flots de la mer rougissent. Wakati mawimbi na shimama. Écume. Se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Inalamuka kutetemesha ta milima. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Yeye ni muto mawimbi yake na furahisha muji ya Mungu. Le sanctuaire de demeure du Très-Haut. Ekalu ya makao ya mwenye kwa juu kabisa. Dieu est au milieu d'elle. Mungu katikati yao. Et elle ne peut embraler. Na aitingizike kamwe. Dieu la secours de l'aube du matin. Mungu ni musada asubuhi. Des nations s'agitent. Mataifa iko na tingizika. Des royaumes s'ébranlent. Maufalme na kabulana. Il fait trembler sa voix. La terre s'effondre d'épouvante. Na dunia ina anguka buboka. L'Éternel des armées est avec nous. Wa milele wa majeshi iko na si. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Mungu wa Yakobo ndio uficho yetu ya juu kabisa. Ataka mabantu bote beko na angaika. Si tout le monde est agité. Est-ce que la Russie peut envahir le monde? Mais nous, nous savons que nous avons Dieu. Et nous n'avons pas peur. C'est la vérité. Que Dieu bénisse. Si nous n'avons peur de rien. Rien, alors rien dans la vie, un enfant de Dieu qui a Dieu comme refuge, il ne craint rien. Lorsque vous regardez même Batojurika la Sana Biblia, le nom que nous citons même aujourd'hui, la plupart de frères et sœurs nous les envions même. Ce qui a fait qu'il y a ce que leur nom, jusqu'aujourd'hui, que nous puissions en parler. Ce n'est pas pour dire qu'il y a un papa Idunia. Non. Quand vous regardez les Abraham, Moïse, Vous regardez les Jérémie, Pierre, Paul, même la femme tsunami, Job, ils sont les hommes de la même nature que nous. Est-ce que tout va bien? On est ensemble. Ils sont nés comme nous. Mais ce qui a fait leur nom que nous puissions les citer jusqu'aujourd'hui, c'est parce que ces gens-là, ils ont fait confiance en Dieu. C'est la vérité. Nous quoi. Ils ont mis leur confiance en Dieu. Parce que lorsque un homme a Dieu, il a Dieu, ma soeur, c'est à ce moment-là que ces dernières se reposent. C'est lorsqu'il a Dieu. Il n'y a rien qui peut lui faire trembler. C'est qui peut lui faire trembler. Un homme qui s'appuie sur Dieu, c'est que même si le problème arrive, même si les choses ne semblent pas marcher, lui, il est toujours tranquille. C'est lui qui s'est déjà appuyé en Dieu. Parce que même si vous êtes sous la peau, vous êtes agonisant. C'est la vérité. Nous quoi. Regardez David dit. Psaume 23. Zaburi makumi mbili na tatu. David dit ceci. Psaume 23. Zaburi makumbi na tatu. Arasema. Il dit ceci. Verset 4. Dans son verset 4. Arasema. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, atakame atema mukimvuri ya lufu, je ne crains aucun mal. Shongope ata ubaya moja. Car tu es avec moi. Kwani uko na mie. Lorsque quelqu'un arrive à dire ceci, ce n'est pas pour pleurer aux gens. Et qu'on a sema Dieu à qui l'a namini. Il dit à cause de ce qu'il croit, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est la vérité. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu tombes seulement malade. C'est fini, tu commences à taxer les sorciers. Chez nous ici, on bouffe les gens. On jette ses derniers temps le sort. Ou l'autre, on lui avait bouffé. Elle, on lui avait jeté le sort. Ça, ce sont des langages des païens. Tiens, mon frère, ma soeur. Qui ont crié véritablement. Là où ils mettent leur confiance, c'est dans la parole de Dieu, dans la promesse de Dieu. On est ensemble. Parce que la parole de Dieu ne peut jamais faillir. C'est la vérité. Nous quoi. Mungu tangia zamani. De longtemps. Dieu, il savait que dans chaque âge, lorsque ses enfants habiteront sur cette terre, ce qui peuvent les sécuriser, c'est seulement sa parole. Seulement la parole de Dieu, c'est ça notre sécurité. C'est la vérité. Donc, lorsque un homme a la parole en lui, c'est un homme très puissant. Et le diable, peu importe ce qu'il peut faire, il ne peut jamais atteindre cet homme. Il ne peut pas. La parole de Dieu, c'est ça notre protection. C'est ça notre force. C'est ça la paix. Quand le monde est dans l'agitation, parce qu'ils ont renié la parole. Ils ont refusé la parole. Maintenant, toi, tu es dans cette église. Tellement agité. Tu es trop agité. Pourquoi? Parce que le monde a refusé la parole de Dieu. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu as refusé? Tu as la réponse toi-même. C'est la vérité. Donc, oui. Refuser la parole de Dieu, c'est ce qui amène l'agitation. C'est ce qui amène le souci. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la solution à tous nos problèmes. Que ce soit le problème de santé, que ce soit le problème de l'âme, que ce soit le problème familial, dans la parole de Dieu, il y a toutes les solutions. Mais il faut que tu dois être chrétien. Si tu n'es pas croyant, la parole ne va pas te servir. Quel problème que tu peux avoir sur cette terre que Dieu n'a pas mentionné dans la Bible? Tout Dieu a mis par écrit. Tout il a mis par écrit. Il n'y a rien qu'un chrétien. Les chrétiens, pourquoi ils ne sont pas errants? Parce qu'ils ont la parole. Et ils ont la promesse. Dieu il a promis. Et lorsque vous croyez à ça, dans ta vie, tu auras la paix. C'est la vérité. Lorsque vous croyez, tu auras la paix dans la vie. Parce que Dieu, c'est lui notre assurance. C'est lui notre sécurité. Dans la parole ici, il y a la réponse à toutes choses. Il n'y a rien qui peut vous arriver que Dieu n'a pas mis par écrit dans la Bible. C'est la vérité. Nous croyons. Tout ce qui peut vous arriver, Dieu a mis la parole. Il peut notre appui, l'appui des chrétiens, que les chrétiens véritables, et ils ne s'appuient pas sur leur argent, et ils ne s'appuient pas sur leur bundou, et ils ne s'appuient pas sur les gens, mais la qui est guénoyable, c'est en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a dit, tous ceux qui me feront confiance, je ne peux jamais les couvrir de honte. C'est la vérité. Quoi? C'est seulement l'unique personne, Jésus-Christ. Lorsque vous lui faites confiance, il ne peut jamais vous laisser dans la honte. C'est vrai, mon frère. Oui, ma soeur. C'est pourquoi, c'est donc pourquoi nous luttons. C'est dans tout ce qui arrive, dans ma vie, dans mon corps, dans ma foi. Je me pose la question et je cherche savoir à ce sujet qu'est-ce que Dieu a dit. On est ensemble. Un enfant de Dieu, c'est comme ça qu'il agit. Lorsque le problème arrive dans la maison, ce problème qui vient d'arriver dans ma foi, est-ce que dans la Bible ici, Dieu n'a rien dit à ce sujet? Dieu n'est pas comme ça. Tout ce qui nous arrive, problème, tout ce qui arrive aux humains, il y a toujours quelque chose que Dieu avait prononcé à ce sujet afin de tranquilliser ses enfants. C'est la vérité. Nous croyons. Tout problème de la vie, C'est la vérité. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi je suis. Nous. Comme nous avons la parole. C'est ça notre force. Et nous n'avons pas peur. Et c'est ce que Dieu a donné aux chrétiens. Un enfant de Dieu véritable. Il vit sur cette terre. Tout en sachant que j'ai la parole. C'est la vérité. Nous quoi. Il dit ceci, nous, Branham. Vous serez vêtir de toutes les armes de Dieu. Vous va, Masila, yo, te amoum, paragraphe de 35 à 36. Nous, t'as qui a ma comita tourna. Chamitalouka, minazosoma 40. Tassoma, tena ma comine. Anasema, il dit ceci. Le Dieu infini. Mungu, washpomouish. A choisi pour son peuple la meilleure arme qu'il puisse être donnée. Alichakuria taifa yake sila ya mzuri kabisa ila nawapatia. Il a choisi cette sa parole. Alichakula ni neno lake. Dieu a donné son arme, le meilleur équipement. Alipatia sila ya juu kabisa. Qu'elle n'a jamais pu utiliser. Il est abatumikishaka. Et qui puisse jamais être utilisé. Na il est abatatumikishaka. Et qui ne devrait jamais être changé. Na il est abatibadilishaka kamwe. Il ne l'a jamais changé depuis na, lors. Ta ndia pale aibadilisha. Vous n'avez pas à améliorer cela. We auna na kutengeneza sema iko yote ya mzuri kabisa. Il demeure la même. Yo inabakia paka yo moya. Tout le temps. Wakati yote. Mungu apate mbariki. Que Dieu bénisse. Lorsque vous apprenez que Daniel a vaincu, c'est grâce à la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. Moïse, si vous apprenez que Moïse il était vaincu, c'est seulement grâce à la parole de Dieu. C'est pourquoi on a chiqué. Je comprends à vous entendre dire. Lorsque Dieu a appelé Josué, Dieu disait à Josué. Asema que ce livre de la loi. Anasema iki kitabu kya sheria. Ne s'éloigne point de toi. Kishende mbari na wewe. Est-ce que tu pas moi? On est ensemble. Parce que c'est seulement la parole de Dieu. Sababu ni neno tu la Mungu. Qui peut sécuriser un croyant? Inaweza kukinga mwaminifu. En dehors de la parole de Dieu, c'est les agitations, ni mangaiko tu, les troubles, ni mamuzozo mbuluko. En dehors de la parole de Dieu, chaque fois tu auras toujours mal au cœur. Oh, ça me dépasse, ça me fait très mal au cœur. Mais dans la parole de Dieu, il y a la paix. C'est la vérité. Nous quoi? Mungu arileta neno. Dieu nous a donné la parole. Sa parole. Neno laki. Mukila wakati. Tout temps. Ba Daniel walishinda. Et Daniel ils étaient vainqueurs, victorieux. Grâce à la parole. Kwa ajili ya neno. Ba Shadrach, Meshach, Abednego. Meshach, Shadrach, Abednego. Frère, barikwaka mu problème moya. Ils se sont retrouvés dans des problèmes. Ya compliqué. Ya tari. Mufalme alifanyaka statue. Le roi avait conçu ses statuettes. Et il avait obligé à tout le monde dans le royaume d'adorer ses statues. Mais ces jeunes gens, ils se sont rappelés des Écritures. La parole de Dieu dit, tout hébreu, il ne peut pas adorer sa âme. Que Dieu bénisse. Maintenant, on les a mis la pression. On a chauffé la fourneuse sept fois. Mais ils étaient tranquilles. Vous allez vous étonner. Mais ce qui les avait tranquillisés va tourner dans ses coins. Parce que Dieu avait déjà dit dans sa parole. Dit, je ne peux jamais délaisser abandonner Israël. On est ensemble. Et il s'était déjà souvenu. Il dit, même si les problèmes semblent être très difficiles aux yeux des hommes, il y a toujours quelque chose que Dieu a déjà dit. Et les gens sont venus mettre la pression. On les mettait la pression. C'est pour céder à la pression. Un chrétien n'a pas peur. Même si ton ami te menace, il te pousse à pécher, à l'école, ou à la cité. Si tu ne veux pas faire ça, tu ne seras plus mon ami. Rompez cette amitié. C'est la vérité. Nous quoi? Un chrétien n'a pas peur. Même si vous lui mettez n'importe quelle pression, c'est donc pourquoi lui dit, c'est de rester uniquement dans la volonté de Dieu. C'est la vérité. Nukweli. Mungu bade mbariki. Que Dieu bénisse. Ça m'étonne un moment. Lorsque ton mari te demande, va payer la bière. Il a peur d'être répudié dans le mariage. Elle va payer la bière. Et elle cache dans le pagne. Elle vient, elle donne à son mari. Et son mari est content. À cause du mariage, tu as sacrifié la parole de Dieu. Tu es insensé. Et lorsque le mari va prendre la bière, en fin de compte, il va s'enivrer pour te tabasser et te crever même l'œil. Parce que tu étais insensé. Un enfant de Dieu, même si vous lui mettez la pression, oh, je vais te chasser, te licencier. Tu dois faire ça, ça, ça. Fais ça. Mais un chrétien, il examine. Il dit, dans ce qu'on me demande de faire, où est la volonté de Dieu? C'est comme ça qu'un chrétien réfléchit. Pas toi. Et on te dit, en tout cas, j'ai tant souffert pour trouver seulement l'emploi. Mais si je le perdais ici, je vais continuer dans la souffrance. Tu ne connais pas les choses de Dieu. Que Dieu bénisse. Tu ne connais pas les choses de Dieu. Alors que tu protèges ton travail, ton boulot, dans le mal, dans les choses qui sont diaboliques, vous complotez même avec vos chefs pour escroquer. Toi, ton problème, c'est garder seulement ton emploi. Tu es insensé. C'est la vérité. Nous quoi? Parce que tu finiras toujours par perdre ce travail. Comment est-ce que tu iras demander encore à Dieu? Pour qu'il puisse t'écouter maintenant. Oh, vous voyez, chef, les chefs m'ont menacé. Donne-moi encore l'emploi. Dieu te dira que je vais donner à quelqu'un d'autre. C'est la vérité. Nous quoi? Bien que chef. À ta ville ton chef. Falme, le roi. La pression. Il avait mis la pression. Y a Israël, mais les Hébreux et ils étaient restés calmes. Bila bouger. Sans bouger. Shadrach. Shadrach, Meshach, na Abednego, Barikatala ku adore statue. Ils ont refusé de s'incliner devant les statues. Barikatala. Ils ont refusé. Que Dieu bénisse. C'est la vérité. Nous quoi? Maintenant, mon frère, Barisse, mon bon, ça va? Le roi a dit, ça va, comme vous avez refusé, nous allons vous jeter dans la fournaise. Et ils avaient leur langage, ils disaient. Mais peu importe où on peut nous jeter, notre Dieu, il est capable de nous sauver. Que Dieu bénisse. Même si ce corps se brûlait, c'est consumé, il a la possibilité de nous ressusciter. Vous voyez, un chrétien, même si il tombe malade, il va dans des hôpitaux. Le médecin, ils vont essayer d'examiner. Ils disent qu'on ne trouve pas la maladie. Mais lui, il est malade. Vous allez vous rendre à Lubumbashi. On examine. Et à fin de compte, mais lui se sent toujours malade. Et la famille arrive. Et ta maladie ici provient de main des hommes. Alors nous allons consulter les médecins. Un enfant de Dieu dira non. Que Dieu bénisse. Un enfant de Dieu, il dira non. Même si ça m'arrivait de mourir, je sais que le Dieu en qui je crois, un jour il va me ressusciter. C'est comme ça qu'un chrétien réfléchit. C'est la vérité. On a envoyé Dieu pour le jeter dans la fournaise. Frère, Douku. Vous penserez que c'est comme si Dieu ne voyait pas. Notre Dieu, il voit tout. C'est toi, tu penses que Dieu ne voit pas. Regardez-nous. Regarde ma soeur. Existence yako ya paidunia. Votre existence sur cette terre. Il est programmé na Mungu. C'est Dieu qui a programmé Njoari Tayarisha. Ne pensez pas. Et tu es sur cette terre parce qu'il y avait l'union de tes parents. Non, tu raisonnes tout celui qui se retrouve ici doit savoir que son arrivée sur la terre, c'était programmé. Dieu avait déjà préparé que tu serais sur la terre et tu finiras par croire à ces messages. Dieu avait déjà préparé. On les a liés. Et la fournaise était déjà pressée. Maintenant, le flamme venait, c'est là où on partait les jeter. Les Hébreux, ils étaient calmes. Un enfant de Dieu ne tremble pas. Même si le problème devient très compliqué, lui, il ne tremble pas. Parce que dans la sécurité, c'est la parole de Dieu, la parole des promesses. C'est la vérité. Ils sont arrivés devant le feu. On les a projetés là-bas. Donc, ce que je vous dis, ça s'est passé sur cette terre. C'est la vérité. Ça s'est passé dans ces mondes. Dieu lui-même l'était descendu. Il est en train de parler sur ça. Il dit, au ciel, il y a un ange. Lui, il est chargé des eaux. Lorsqu'on a vu les Hébreux, on les a ligotés, on les a arrêtés, on les a menottés. Et lorsqu'ils avançaient avec eux, l'ange est allé vite au trône. Il m'a dit, Seigneur, tu m'avais envoyé pour arrêter l'eau du temps de Noé. Tu m'avais envoyé encore regardez les enfants, ils ont pris position pour toi. Alors, envoie-moi avec beaucoup d'eau pour aller éteindre le feu. Dieu lui a dit, Shimama, Acha, à ce qui concerne mes enfants, c'est moi-même je vais m'en occuper. Que Dieu bénisse. C'est la vérité. Nukweli. Dieu, il a des anges. Bamingi. Il y a beaucoup de gens qui peuvent intervenir. Mais ce qui concerne le problème des enfants de Dieu, quand ils ont pris position de l'enfant de Dieu, Dieu a dit, sur ce problème, c'est lui qui va intervenir, c'est moi-même. C'est la vérité. Nukweli. C'est pourquoi ils ont jeté trois personnes dans la fournaise. Mais ils étaient surpris. Le même personne qui les accompagnait, c'est eux, ils sont brûlés. C'est seulement les cordes qu'on les avait fermées qui s'est détaché pour leur permettre de marcher dans la fournaise. Mais ils étaient étonnés. Et même le feu était incapable de les consumer. Même leur poil sur le corps, il n'y a pas de poil qui était brûlé. Ils étaient au milieu de flamme, en train de marcher au rythme. Mais ils ont regardé au milieu de... On avait jeté trois, mais ils ont constaté qu'il y avait un quatrième. C'est la vérité. Notre Dieu. Notre Dieu, ma soeur. À ce qui concerne le problème de ses enfants, il vient lui-même. C'est la vérité. Ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas tremblé. Non, du coup. Les chrétiens ne tremblent pas, ma soeur. Parce qu'ils ont la parole de promesse. Ils ont la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce qui sort de la bouche de Dieu, ça ne peut jamais faillir. Ça ne peut jamais faillir. La parole de Dieu, jamais elle ne tombera. C'est la vérité. Nous je vais terminer au somi. Ndio. Oui. Prenons-moi continue. Peu importe combien de choses Satan obtient. Aizul bibit chetane on a chic. Combien de choses une armée obtient. Bibit jestik on a chic. Ou quoi que ce soit. Voilà Aizul ni. Cela ne peut jamais remplacer le premier choix de Dieu. Il est Aizul kubadilisha uchakuzi wa mwanzo. La parole. Neno. Il leur a donné sa parole. Alors, pati a nenu laki, sa promesse. Malako yake, et il dit. Na anasema. Tenez-vous-en à cela. Momu bakie mushike kuile. C'est le meilleur que l'on connaisse. Josila ya nguvu kabisa ile tunajua. Or l'ennemi. Yapo adui. Savait qu'aussi longtemps que la race humaine. Anajua kusema wakati yote batu. La race humaine se tiendra à cette parole. Batabakia kushikamana kunenu. Il ne saura jamais le toucher. Adui ataweza kubagusa. Tant que la race humaine wakati yote batu kizazi ya batu s'en tient à la parole banashimama kunendo. Dieu a enfermé sa famille sur la terre. Mungu alishikamanisha jamaa yake pa dunia. Son armée dans la forteresse de sa parole. Jeshi yake katika boma neno lake. C'est notre forteresse. Jo boma yetu. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Jina wa milele ni munara ya nguvu kabisa. Le juste s'y réfugie. Na mwenye haki kwenda kufuchama mule. Et se trouve en sûreté. Na anapatikana katika uwazi. Ils sont affermis. Bo beko na shikamanisho. Shetani anayua très bien. Le diable il sait mzuri. Ya kusema wakati bantu batachunga neno. Ya kusema lorsque les gens garderont la parole de Dieu, il ne peut jamais les atteindre. Anayua. Il sait ça. C'est la parole. Ni neno. Il s'y trouve affermi. Bana kutikana mwenye kushikamana. Et en sûreté éternellement. Na katika ukingo kwa milele. Tant que la race humaine s'attient à la parole. Wakati yote bantu banabakiria ku neno. Tant que l'église se tient à la parole, kanisa na shimamia paneno, il est affermi. Beko, ile kanisa kwa kushikamana, rien ne peut l'inquiéter. Na hakuna kitu kinaweza kumwangaisha. Mungu apate mbariki. Kijo benisi. Hakuna kitu kitaweza kukuangaisha. Rien ne peut vous ébranler. Église, frère Branham, qu'on a servi. L'église dont frère Branham parle. Aïna hi bâtiment. Ce n'est pas ces bâtiments que vous voyez. L'église ni wewe. L'église c'est toi. L'église ni mie. L'église c'est moi. Wakati yote tutashimia sauti ya Mungu. Nous allons respecter la parole. Hakuna kitu kitatuangaisha. Rien ne va nous agiter. Hakuna. Il y a rien qui va nous faire souffrir. Kama wewe uko unahangaika. Si toi tu es encore agité, tu souffres. Angalia imani yako. Vérifie ta foi. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la vérité. Nous quoi? Maintenant, mon 40. Ça, c'est ma commune. Remarquez. Mon gars, Satan zame. A essayé d'y entrer. Satan a répondu à Kungia. Pour espionner. Jou, y a peleleza. Comment il pouvait mettre la main sur cette race humaine? Namna kana taweza kushika babatu. Il s'est servi de l'une des tactiques. Le plus fameuse. Y a ma tactique à zaman. Eh bien. Muzuri. Cela montrait qu'il devait être une puissance surnaturelle pour songer à cela. Dieu a à il s'est servi la première fois mara kwanza, et il avait réussi. Na et il s'en est servi depuis. Na tangia pale il a toujours réussi jusqu'à un certain niveau. Il s'est servi du raisonnement à la foi. Ari tumikia ni mafikiri kuimani. Mungu apate mbariki. Kijo benisi. Kile shetani anakumbaliaka. C'est que le diable lit. Hata kama uko mgonjo. Même si tu es malade. Hata kama uko na mambo. Même si vous avez des problèmes. Eko na jikaza kuye kumaisha yako. Le diable il s'efforce d'entrer dans ta vie. Ole ya kuamini. Au lieu de croire. Anakupatia raison. Il te donne kufikiri. Unaanza kuwaza waza. Est-ce que la prière c'est comment on a prié pour moi? Et je suis guéri déjà. Et vous voyez maintenant quelqu'un, on a prié pour lui aujourd'hui. Et lorsque le serviteur de Dieu passera encore, un autre serviteur passera, les malades, il va s'aligner, on a prié encore sur la même maladie. Un autre prédicateur passe, on prie encore pour la même maladie. Celui-là n'est pas un chrétien. Parce que si tu es croyant, lorsqu'on prie pour toi, même si un enfant priait pour toi, lui, il croit à ce que Dieu a dit. C'est la vérité. Nous quoi? Oh, même la tout pasteur. Moi, j'aime lorsque les pasteurs m'imposent les mains. Le pasteur t'impose les mains, il n'y a pas de problème. Mais tout homme peut prier pour toi. Toute soeur peut t'imposer les mains. Tout frère peut t'imposer les mains. Mais ce qui est important, ce ne sont pas les mains des hommes. Ce qui est important, c'est ce que Dieu a dit. C'est ce qui est important. Ce qui guérit, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la vérité. Nous quoi? C'est pourquoi mon toto wa Mungu, frère. Un enfant de Dieu. Wa Mungu, dada. L'enfant de Dieu, ma soeur. Ashogopa ke kintu. Lui n'a pas peur. Kile yana kombaniaka. C'est donc pourquoi il dit. C'est lorsqu'il regarde sa vie. Iku ya ordre na Mungu. Que sa vie soit en ordre avec Dieu. Ndio nduku. C'est oui mon frère. Ndio dada. Et ma soeur. Na hii neno. Et la parole ici. Paka hivi tunasoma. Tant que nous venons de lire. Jo ukingo yetu. C'est ça notre protection. Dans l'Ancien Testament. Ouais, dans l'Ancien Testament. Wakati ule meurtrier anza kukimbia mu ville de refuge. Lorsque le meurtrier fuyait vers cette cité de refuge. Ulikuwa loi mule mu ville de refuge. Là-bas, il y avait aussi des lois. Lorsque vous allez vous réfugier là-bas, il ne faut pas y sortir. Que Dieu bénisse. C'était la loi. Lorsque vous entrez dans la ville des réfuges, cité des réfuges, tu te retrouves là-bas en sécurité. Tu dois fournir d'efforts de ne pas quitter la cité. Si vous mettez en dehors de la cité et les vengeurs qui te poursuivaient, ils vont te saisir, on va te tuer. On est ensemble. C'est pourquoi mon Christ, frère, je commande un chrétien qui a cru véritablement. Il n'accepte pas de retourner dans son ancienne vie. Non, il n'accepte pas. Il lutte. Ce qu'il a déjà abandonné, c'est resté derrière lui. Mais il lit encore afin que ce qui le tourmente encore, qu'il puisse encore abandonner ça. C'est comme ça un chrétien fait les choses. Parce que si vous rétrogradez, le vengeur du sang, le vengeur de sa balle, la corps du pichet d'âme, lorsqu'il va vous saisir, c'est pour te tuer. C'est pourquoi on a l'imani abantu mingi. Aujourd'hui, la foi de beaucoup de gens, imani abadada mingi, la foi de beaucoup imani de abanduku mingi, la foi de beaucoup de frères, ayendeke, ne prospère pas. Kurikuya wakati moya frère. Il fit un temps. Kurikuya wakati moya dad. Il fit un temps, ma sœur. Urianza kuremarquer victoire mu vie yako. Tu remarquais la victoire au Chindi dans ta vie. Na wewe mwenyewe ulikuwa conscient. Et toi-même tu étais conscient. Na unaanza kusema. Et tu disais. Hapa mimi nakuwa mkristo. Là, je suis devenu chrétien. Mais moi ndamashiku. Au fur et à mesure. Unarudia maisha yako ya zamani. Tu as retourné. Mais angalia sasa vile leo unakuya. Regarde maintenant comment tu es devenu aujourd'hui. Angalia vile leo unakuya. Regardez aujourd'hui comment tu es devenu. C'est compliqué. Ni atari. Unakuya na boka boka. Tu as peur à tout moment. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu as retourné dans ton ancienne vie. La vie de dissimulation. La vie de malice. La vie de groupuscule. Dans la cité. Tu es encore dans la vie, dans cette vie de groupuscule. Tu avais déjà arrêté les calomnies. Pourquoi tu es revenu? Tu as repris encore cette vie de mensonge. Tu as repris encore la prostitution. C'est grave. Niatari. C'est toi, tu es rentré. Mais la loi qu'on avait placée dans la cité, lorsque vous entrez, vous n'avez pas le droit de quitter encore. Vous n'avez pas le droit de quitter. Maintenant, regarde comment tu es venu. Tu es devenu très faible. Un petit problème, tu trembles. Mais il fit un temps, tu n'étais pas comme ça. Pourquoi aujourd'hui tu es devenu comme ça? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. C'est la vérité. Cela veut dire que vous avez quitté dans votre lieu de protection. Dans votre lieu de sécurité. Regarde aujourd'hui. Tu reprends encore l'ancienne vie. Et tu es arrivé au point où tu n'as plus de condamnation. Non, Ndouk. Non, ma soeur. Lorsque un homme est sauvé, Jésus-Christ il commence à kuchunga, kukinga. Lorsque un homme est sauvé, le ciel prend soin de lui. C'est la vérité. Nous quenons. Comme lorsque nous avons des enfants. Lorsque vous avez les enfants que vous avez engendrés. Vous savez, cet enfant inné, tout ce qui lui concerne dépend de toi. N'est-ce pas ça? Jovi. Comment est-ce que toi tu t'es dit enfant de Dieu? Mais tu penses que Dieu ne te connaît pas. Maintenant, pourquoi tu n'as pas confiance? Pourquoi tu es agité? Et la peur. Et penser que tu as abandonné. Pourquoi tu penses à ça? D'où vient? Ça vient du péché. C'est la vérité. Nous quoi? si réellement comme toi, toi, Mungu. Akika tu kama comme tu es enfant de Dieu. Frère. Donc. Biblia qu'on a sema. La Bible dit. Moi, j'ai dit que tu sors, mais j'ai dit que mon ayo Isaïe. Isaïa, vous connaissez l'écriture. Isaïa, ma commune native. Écoutez. Mon ayo Isaïe, c'est un mot qui est bien mingi tema. Excusez-moi, je n'ai pas beaucoup à dire. Isaïe 49, wakati yetu inatafuta kuisha. Biblia qu'on a sema hivi. La Bible dit ceci. Verset 49, 14. Isaïe 49, 14. Comme il a une moussaïe. Biblia n'a sema hivi. La Bible dit ceci. Chiqué. Ok. Ni Israël, il a sema kusema hivi. C'est Israël qui disait ceci. Si on disait. Sioni baranza kusema. L'Éternel m'abandonne. Wamilele anetuachiria. Le Seigneur m'oublie. Na Bwana anetusabu. Une femme oubliait-elle l'enfant qu'elle a allaité? Eti mwanamuke mama anaweza kusaba mtoto la nyonyesha? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Eti ana na buluma na matunda ya kifua yake? Quand elle oublierait? Atakama nafika mkusabu. Moi je ne t'oublierai point. Mie siwezi kusabwa. Voici, j'étais gravé sur mes mains. Tazama, minesha kutia muri mikono yangu. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Maukuta yako, iku paka mbele ya macho yangu. Taisha yako. Ta vie. Iko kila wakati mbele ya macho yangu. Elle est toujours devant mes yeux. Unaona pa Mungu yako nafananisha sa mama yabo. Voyez ici, Dieu donne l'exemple d'une mère. Asema ni mama anaweza kusahau mtoto yake. Il dit, est-ce qu'une mère peut oublier son enfant? Nani alishaka ona mtu anazala batoto? Qui a déjà vu quelqu'un engendrer les enfants? Anakuta mtoto yake peut-être. Et il trouve son enfant en cours de route. On l'a déjà arrêté par les policiers. Et la maman regarde son enfant. Dit, maman, est-ce que connaissez-vous cet enfant? La maman regarde. C'est comme si je ne connais pas cet enfant. Son enfant. Qui a déjà vu ça? Ça n'existe pas, n'est-ce pas? C'est la vérité. Nous quoi? Ça, c'est Angaria. Maintenant, regardez. Comment réellement où est-ce que mon écusarika mara ya pili? Maintenant, si toi tu es né de nouveau véritablement. Comment si bantu? Si nous les hommes. Atuweze kusabu betu matoto. Nous sommes incapables d'oublier nos propres enfants. Soyez-en sûr que le Dieu qui vous a sauvé, il ne peut jamais vous oublier. Est-ce que tu vas mourir? On est ensemble. Ata kama unalala. Même si tu dors. Ata unalamuka. Même si vous vous réveillez. Ata uko mumotoka. Lorsque vous êtes dans le véhicule. Ata uko ma lorsque vous êtes dans n'importe quelle circonstance. Sachez-le. Ule Mungu alikuokola. Le Dieu qui vous a sauvé. C'est lui qui veille sur c'est vous. Pourquoi, ben, Christ, et c'est pourquoi les chrétiens dans, yabo, dans leur vie boka, ils n'ont pas peur. Parce qu'ils croient dans la parole de Dieu. Et ils ont confiance dans la parole des promesses. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous pour la prière. Dieu ne peut jamais vous oublier. Parce que lui, il n'oublie jamais ses enfants. Que chaque fois et chaque soir puisse méditer. Lorsque vous entrez dans ces lieux de sécurité, c'est un endroit où vous ne pouvez pas quitter. Si vous quittez, c'est de vous-même. Vous entrez là-bas. On a sous la protection divine. Sous la protection de Dieu. Dans notre protection, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est qui nous a tout chicoué ébranlé. C'est qui fait que nous sommes parce que nous gardons sa parole. À cause de la parole de Dieu, nous avons, peu importe ce que Satan fait, il n'y a rien qui peut nous ébranler. Un enfant de Dieu qui est avec sûreté, qui est avec sûreté, ça va que le ciel prend soin de lui. Prions.